En Corée du Sud a eu lieu le 4 courant la 14e action pan nationale dans tous les coins du pays sous les auspices de l'action du peuple extraordinaire pour la destitution du pouvoir de Park Geun-hye. Y ont pris part plus de 420 000 personnes de tous les paliers, dont ouvriers, paysans, jeunes et enfants, commerçants et employés de compagnie, indignés du fait que le mandat de perquisition et de confiscation vis-à-vis de la Maison Bleue reste encore inexécuté et que Frank Yohan, qui remplace la présidente, a refusé la demande de collaboration des procureurs spéciaux. Sur la place de Gwanghwamun à Séoul, s'est tenu le meeting à la bougie de la 14e journée de l'action pan-nationale pour la destitution en février de Park Geun-hye, la démission de Frank Yohan, l'arrestation des complices et la réforme.